Emilia Pardo-Bazán, Premier amour. Quel âge pouvais-je bien avoir à cette époque? 11 ou 12 ans? 13 peut-être, car plutôt il n'est guère possible d'être amoureux pour de bon. Pourtant, je n'ose rien affirmer. Dans les pays méridionaux, le cœur s'éveille de bonne heure et vous fait commettre de précoces sottises. Si je ne me rappelle pas bien quand, je puis du moins dire avec certitude comment ma passion commença à se révéler. J'aimais beaucoup, sitôt ma tante partit pour l'église où l'appelaient ses dévotions du soir, à me glisser dans sa chambre à coucher et à fouiller dans les tiroirs de sa commode, qui étaient toujours rangés avec un ordre admirable. Ces tiroirs étaient pour moi un vrai musée. J'y tombais toujours sur quelque objet rare, antique, exhalant une odeur vénérable et discrète, l'arôme des éventails en bois de santal enfouis au milieu du linge comme des sachets. Coussins de soie passée, mitaines tricotées soigneusement enveloppées de papier fin, images de sainteté, instruments de couture, quelques réticules de velours bleu brodés de jais ou un chapelet d'ambre et d'argent, voilà ce que je découvrais. Je regardais ces objets curieusement, puis je les remettais à leur place. Mais un jour, il me semble que c'était hier, dans le coin du tiroir d'en haut, à travers des cols de vieilles dentelles, je vis briller un objet doré. Je le saisis et, déchirant sans le vouloir quelques guipures, je retirai un portrait, une miniature sur marbre, haute de 3 pouces, entourée d'un cadre en or. Je restai émerveillée en la regardant. Un rayon de soleil filtrant par la fenêtre frappait la séduisante image qui, se détachant sur un fond sombre, paraissait vouloir venir vers moi. C'était le portrait d'une femme admirablement belle, comme je n'en avais encore jamais vu que dans mes rêves d'adolescent, quand les premières ardeurs de la puberté me causaient, à la tombée du soir, de vagues tristesses et des malaises indéfinissables. Elle pouvait avoir une 20aine d'années. Ce n'était pas une candide jeune fille, bouton de rose entr'ouvert, mais une femme, dans tout l'éclat d'une resplendissante beauté. Elle avait un visage ovale, des lèvres charnues, esquissant un léger sourire. Les yeux noyés de langueur, et sur le menton une fossette qui semblait avoir été faite par le bout du doigt badin de Cupidon. La coiffure était étrange et gracieuse. Sur ses tempes pendaient des boucles épaisses, et sur le sommet de la tête, ses cheveux étaient tressés en couronne. Cette coiffure ancienne, qui laissait la nuque dégagée, permettait d'apprécier la grâce exquise du cou et de la gorge, sur laquelle se voyait, plus délicate encore, la même fossette que sur le menton. Quant aux vêtements, je ne saurais dire si nos grand-mères étaient moins réservées que nos femmes, ou si les confesseurs de jadis avaient des idées plus larges que ceux d'aujourd'hui. Mais j'incline vers cette dernière supposition, car il y a 60 ans, les femmes se piquaient de dévotion et n'auraient pas désobéi à leur directeur de conscience en une matière aussi grave. Ce qui est certain, c'est que si de nos jours une femme se montrait dans le costume qu'avait celle du portrait, elle provoquerait une révolution. Jusqu'à la taille, Placée presque sous les bras, elle n'était vêtue que d'un léger voile de gaze transparente qui laissait voir deux seins de neige. Un collier de perles reposait sur leur suave rondeur et s'allait perdre ensuite dans le sillon ouvert entre eux. Avec tout autant d'impudeur, se montraient deux bras arrondis, vraiment dignes de Junon, et terminée par des mains sculpturales. Mais j'ai tort de dire des mains. En réalité, on n'en voyait qu'une et qui tenait un riche mouchoir. Aujourd'hui encore, je m'étonne de l'effet foudroyant que produisit sur moi la contemplation de cette miniature. Je restais en extase, retenant ma respiration, mangeant le portrait des yeux. J'avais déjà vu, çà et là, des gravures représentant de jolies femmes. Bien souvent, dans les journaux illustrés, dans les estampes mythologiques de la salle à manger, aux vitrines des boutiques, il était arrivé qu'une ligne harmonieuse, un contour élégant et gracieux, captiva mes regards d'artiste précoce. Mais la miniature retrouvée dans le tiroir de ma tante, en dehors de son charme particulier, me paraissait comme animée d'un subtil souffle vital. On devinait qu'elle n'était pas le caprice d'un peintre, mais l'image d'une personne réelle, vivante, en chair et en os. Le ton riche et savoureux de la couleur révélait sous la peau nacrée la chaleur du sang. Les lèvres s'entr'ouvraient, laissant briller l'émail des dents. Et, pour compléter l'illusion, autour du cadre courait une bordure de cheveux naturels, châtains, bouclés et soyeux, qui avait orné le front du modèle. Oui, c'était mieux qu'une image. C'était le reflet d'une personne vivante dont je n'étais séparée que par une mince feuille de cristal. J'y portai la main, je l'échauffai de mon haleine et je sentis que la chaleur de la mystérieuse divinité se communiquait à mes lèvres et circulait dans mes veines. J'en étais là quand je perçus des pas dans le corridor. Ma tante revenait de ses oraisons. J'entendis sa toux d'asthmatique et l'allure traînante de ses pieds goutteux. Je n'eus que le temps de jeter la miniature dans le tiroir et d'aller m'appuyer au carreau en prenant une attitude indifférente pour ne donner prise à aucun soupçon. Ma tante entra en se mouchant à grand bruit, car le froid de l'église avait accru son catarrhe chronique. À ma vue, ses yeux atones s'animèrent, elle m'appliqua de sa main sèche une petite tape amicale et me demanda si j'avais, comme d'habitude, mis ses tiroirs sens dessus-dessous. Puis, avec un sourire malicieux, « Attends, attends !» ajouta-t-elle, « je vais te donner quelque chose dont tu te lécheras les doigts. » Elle sortit de sa vaste poche un cornet de papier et en tira trois ou quatre boules de gomme, collées ensemble et tout aplaties, qui m'inspirèrent un véritable dégoût. La physionomie de ma tante n'était d'ailleurs rien moins qu'engageante. Un âge avancé, une mâchoire dégarnie, des yeux toujours pleurants, une moustache aux poils rudes encadrant la bouche trop enfoncée, une raie large de trois doigts séparant des cheveux gras qui venaient s'enrouler en volutes au-dessus des oreilles, un cou jaune et décharné. Sûr que je n'avais pas envie de prendre les boules de gomme. Un sentiment d'indignation, de protestation virile s'éleva en moi et je déclarai énergiquement que je n'en voulais pas. « Vrai ? Grand miracle ! Toi qui es gourmand comme une chatte ! Je ne suis plus un petit enfant !» m'écriai-je en me haussant sur la pointe des pieds. « Je ne veux pas de sucrerie !» Ma tante me regarda, moitié bienveillante, moitié ironique, et enfin, sans plus insister, elle retira sa mantille, ce qui laissa voir dans toute sa laideur l'anatomie de ses mâchoires. Elle riait de si bon cœur que son nez et son menton se rejoignaient, cachant les lèvres et encadrées de deux sillons, ou plutôt de deux fossés profonds, tandis qu'une douzaine de plis ridaient ses joues et ses tempes. En même temps, la tête et le ventre étaient secoués par les éclats de son rire, que vint tout à coup interrompre un accès de toux spasmodique. Humilié, plein de dégoût, je m'échappai de là pour aller me réfugier dans la chambre de ma mère, où je me repris à penser à la dame du portrait. Et depuis lors, je ne pus en détacher ma pensée. Guetter la sortie de ma tante, me précipiter vers sa chambre, ouvrir le tiroir, en tirer la miniature et m'abîmer dans sa contemplation, tout cela était l'affaire d'un instant. À force de la regarder, il me semblait que ses yeux voluptueux, à travers le demi-voile de ses cils abaissés, se fixaient sur les miens et que sa blanche poitrine se soulevait comme oppressée. J'en arrivai à ne plus oser la baiser, m'imaginant qu'elle était choquée de mon audace. Et je me bornais à la presser contre mon cœur ou à l'approcher de mon visage. Toutes mes actions et toutes mes pensées se rapportaient à la dame. J'avais pour elle des raffinements et des délicatesses infinies. Avant d'entrer dans la chambre de ma tante et d'ouvrir le tiroir si désiré, je me lavais, je me peignais, je me pomponnais, comme j'ai vu depuis qu'on fait pour aller au rendez-vous d'amour. Il m'arrivait souvent de rencontrer dans la rue d'autres enfants de mon âge, déjà pourvus de leur novia, qui me montraient fièrement des billets, des portraits et des fleurs, et me demandaient si je ne choisirais pas aussi une bonne amie pour correspondre avec elle. Un sentiment de pudeur inexplicable enchaînait ma langue, et je ne leur répondais que par un sourire énigmatique et orgueilleux. Quand ils me demandaient mon avis sur la beauté de leur belle, je haussais les épaules et je les qualifiais dédaigneusement de laides et vilaines binettes. Il se trouva que certains dimanches, j'allais jouer chez des cousines, fort gracieuses en vérité, et dont l'aînée n'avait pas 15 ans. Nous étions fort occupés à regarder un stéréoscope quand tout à coup l'une d'elles, la plus jeune, 12 printemps au plus, me prit la main à la dérobée et, tout émue, rouge comme une cerise, me dit à l'oreille « Tiens !» Je sentis dans ma main une chose douce et fraîche et je vis que c'était un bouton de rose avec ses feuilles. La petite s'écarta en souriant et me coula un regard de côté. Mais moi, en puritain, en chaste Joseph, je m'écriai à mon tour « Tiens !» et je lui lançai le bouton de rose au nez, exploit qui la fit pleurer tout l'après-midi, qui la brouilla avec moi, et que, même à cette heure, où elle est mariée et mère de 3 enfants, elle ne m'a probablement pas pardonné. Trouvant trop courte pour admirer le portrait magique, les 2 ou 3 heures par jour que ma tante passait à l'église, je finis par me décider à garder la miniature dans ma poche. Aussi avais-je soin de me cacher de tout le monde, tout de même que si j'avais commis un crime. Il me semblait que du fond de sa prison, madame voyait toutes mes actions, et j'en arrivais à ce ridicule incroyable que si je voulais me déchausser, changer de linge ou faire quoi que ce soit qui jurât avec le caractère idéaliste de mon pur amour, je commençais par mettre la miniature en lieu sûr pour qu'elle ne fût pas témoin de ses actions basses. Enfin, depuis que j'avais commis mon larcin, elle ne me quittait plus. Je la cachais sous mon oreiller et je dormais dans l'attitude d'un défenseur, le portrait du côté du mur, moi tout au bord, et m'éveillant 10 fois par nuit avec l'épouvante qu'on vint m'enlever mon trésor. Dans cette crainte, je la retirais de dessous l'oreiller et la plaçait entre ma chemise et ma chair, sur mon cœur, en sorte qu'au matin, ma peau portait l'empreinte bien distincte des ciselures du cadre. Le contact de la chair miniature me causa des songes délicieux. La dame du portrait, non plus en effigie mais au naturel, vive, légère, affable, charmante, venait me chercher pour m'emmener en train rapide jusqu'en son palais. Avec une douce autorité, elle me faisait asseoir à ses pieds sur un coussin et passait sa main exquise sur ma tête, caressant mon front, mes yeux et mes cheveux. Je lui faisais la lecture dans un grand missel, où je touchais du luth, et elle daignait sourire pour me remercier du plaisir que lui causaient mes lectures ou mes accords. Des souvenirs romantiques remontaient à ma mémoire. J'étais page, j'étais troubadour. Avec toutes ces rêvasseries, j'en vins à dépérir d'une manière notable, ce que remarquèrent avec grande inquiétude mes parents et ma tante. Tout est sérieux à cet âge difficile et critique de la formation, disait mon père, qui avait l'habitude de lire des livres de médecine et observait avec souci mes paupières bleuies, mes yeux battus, mes lèvres pâles et contractées, et surtout mon manque absolu d'appétit. « Joue, mon enfant, mange, mon enfant, » me disait-il. Et je leur répondais avec abattement, « Je n'ai pas faim, je n'ai pas envie de jouer. » Ils se mirent alors à me proposer des distractions. Ils m'offrirent de me conduire au théâtre. Mes études furent interrompues, on me mit au régime du lait. On me soumit aux douches froides pour me fortifier, et je m'aperçus que mon père, quand j'allais lui dire bonjour le matin, me regardait fixement durant quelques instants et parfois passait les doigts sur mon épine dorsale pour palper mes vertèbres. Je baissai hypocritement les yeux, résolu à me laisser mourir plutôt que d'avouer le délit. Car une fois délivré de la surveillance affectueuse de ma famille, je restais avec la dame du portrait. Enfin, pour mieux me rapprocher d'elle, je songeais à supprimer le froid cristal. J'hésitais d'abord. Puis l'amour l'emporta sur la crainte vague que m'inspirait cette profanation, et, faisant sauter la feuille de verre, je vis sans obstacle la plaque de marbre. Quand j'appuyai mes lèvres sur la peinture et que je sentis le léger parfum des cheveux qui l'entouraient, je me figurai, avec plus d'évidence que jamais, que mes mains tremblantes touchaient vraiment une personne vivante. Une grande faiblesse me prit, et je demeurai sur le sofa, privé de sentiments, serrant la miniature entre mes mains. Au moment où je repris connaissance, je vis mon père, ma mère et ma tante penchés sur moi tous les trois avec un vif intérêt. Je lus sur leur visage la surprise et l'inquiétude. Mon père me palpait le front, me tâtait le pouls et murmurait « Le pouls bat à peine, on dirait qu'il va s'arrêter !» Ma tante, de ses doigts crochus, s'efforçait de m'enlever le portrait que, machinalement, je tenais plus étroitement serré. « Voyons, petit, lâche donc, tu vas l'abîmer !» s'écriait-elle. « Tu vois bien que tu le salis. Je ne veux pas te faire violence, je te le montrerai tant que tu voudras, mais ne l'abîme pas. Voyons, lâche-le. » « Laisse-le lui, suppliait ma mère. Il est si mal, le pauvre enfant. Il ne manquerait plus que cela, répondit ma tante. Qui est-ce qui m'en ferait un autre? Aujourd'hui, on ne fait plus de miniatures, la mode en est passée. Et puis, moi aussi, je suis d'un autre temps, et je ne ressemble plus à cela. » Mes yeux se dilataient d'horreur, mes mains lâchaient le médaillon. Je ne sais comment je pus articuler. « Vous, le portrait, c'est vous ? Je ne te parais plus si jolie, mon petit. Bah, 23 ans, on est mieux qu'à... je ne sais plus combien, car je ne m'en souviens plus. Mais les années que j'ai, nul ne peut me les enlever. » Je baissai la tête et j'allais peut-être m'évanouir de nouveau. Mais mon père me prit dans ses bras, me coucha sur mon lit et me fit avaler quelques cuillerées de Porto. Je fus bientôt convalescent, mais je ne remis jamais les pieds dans la chambre de ma tante.